Chapitre 297, l'interdiction d'arracher les cheveux blancs, de la barbe, de la tête, etc., et le duvet du garçon encore imberbe. 1646. Amr ibn Shu'aib rapporte d'après son père, selon son grand-père, radiyallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « N'arrachez pas les poils blancs de la barbe et les cheveux blancs, car ils seront la lumière du musulman le jour de la résurrection. » Abu Dawud, An-Nasa'i et At-Tirmidhi selon de bonnes chaînes de narrateurs. At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». 1647. Selon Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre religion » verra son acte rejeté. Muslim.